toi, tu la sens, la liberté? Une liberté souvent mise en danger ces dernières années par l'extrême droite et le libéralisme. Donc, pour cette première émission, nous allons parler de la manifestation antifasciste du 1er juin à Belleville, en hommage à Clément Méric, décédé sous les coups de l'extrême droite, notamment d'Esteban Morillo, membre du groupuscule Troisième Voie, et de Samuel Dufour, surnommé le Führer, le 5 juin 2013. Et nous allons écouter une partie de la manifestation. dit non à elle. Selon la disposition des codes de cours de rattrapage de l'école. Elle est à nous. Liberté pour Anto, liberté pour Anto, liberté pour Anto.

sur la mission, tu la sens la liberté. Donc nous venons d'écouter la chanson Gun of Brimstone des Clash. Et c'est une chanson qui critique le racisme et qui est précurseur dans les émeutes raciales. Donc sur la question de l'extrême droite, donc il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que l'on combat l'extrême droite et que cela ferait monter finalement le score de l'extrême droite. Mais pourtant, il faut savoir que la majorité en place reprend une argumentation de l'extrême droite. Donc nous allons écouter deux extraits de Gérard Collomb et de Nathalie Loiseau. Et ensuite, nous allons analyser leurs propos de façon plus détaillée. Puis-je vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez, par exemple, que telle nationalité que là encore, je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. Vous levez les yeux au ciel, mais lorsque l'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie. Et donc, vous l'aurez compris, c'est que chez le parti La République En Marche, il y a tout de même une volonté de reprendre le discours du Rassemblement National sur la question du shopping de l'asile ou du benchmarking des migrants, à savoir qu'ils considèrent que les réfugiés analysent les différentes lois dans les différents pays pour savoir quelles sont les lois les plus faciles pour rentrer dans ce pays. Et du coup, cela pose un sérieux problème parce que La République En Marche a quand même été un parti qui s'est posé comme les castors vis-à-vis du Front National en 2017 et qu'ils ont recommencé cette stratégie en mettant en avant les populistes contre les nationalistes. Sauf que on constate, c'est que La République En Marche, finalement, sur certains sujets, elle s'inspire vraiment du Rassemblement National. Alors, certains parlent de l'extrême centre face à l'extrême droite ou de l'extrême finance face à l'extrême droite. Mais il faut savoir également, c'est que La République En Marche, elle marche sur les plates-bandes du Rassemblement National. Et sur la question des réfugiés, il faut quand même en parler un peu. C'est que finalement, les réfugiés, ils ne partent jamais de leur pays par plaisir. Et ceux qui affirment que les réfugiés, ils partent de leur pays par pur plaisir, ce sont des démagogues et des populistes. Et d'ailleurs, le Canard Enchaîné, il avait sorti un hors-série sur les populismes. Et il y avait une photo qui était représentée dedans, qui s'appelait Emmanuel Macron. Et celui-ci, il était dans le cadre du populisme des élites. Et les élites, elles ont leur propre populisme. Alors, c'est vrai que on va nous dire, le populisme d'Emmanuel Macron, c'est pas tout à fait le même que le populisme de Marine Le Pen. Mais dans le programme d'Emmanuel Macron, on a tout de même une certaine forme de populisme, puisque quand on compare le programme du Front National de 1981 avec celui de La République En Marche, ben finalement, on retrouve vraiment de similarités. Alors, quand Jean-Marie Le Pen, il proposait comme slogan « Europe, Le Pen, Liberté », si on le transforme, on dit « Europe, Macron, Liberté », en fait, les vieux frontistes sont des Macron compatibles. Alors, c'est vrai que le Rassemblement national n'est pas un fervent partisan d'Emmanuel Macron, et on peut le comprendre, mais pourtant, ils sont sur la même ligne du libéralisme. Alors, il y en a un qui est plutôt ultralibéraliste et l'autre qui est plutôt national-libéralisme. Mais quand on compare le fond, bah, ce sont des personnes qui sont opposées aux droits des travailleurs. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique, c'est que pour eux, les travailleurs, finalement, ce sont des coûts pour le patronat. Et donc, dans l'Union européenne, comme nous l'avons dit, les travailleurs, finalement, ils pèsent sur l'économie, alors que tout le monde le sait, c'est que les travailleurs, finalement, ce sont ceux qui produisent l'ensemble de la richesse produite au sein des différentes économies. Et du coup, quand on demande une meilleure redistribution des richesses entre le capital et le travail, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la baisse du coût du travail, nous revenons à la question du corporatisme et que Emmanuel Macron il porte une forte responsabilité, tout comme la CFDT. On pourra d'ailleurs parler des heures pendant sur le syndicalisme jaune, et que on constate que la CFDT n'a pas pour objectif de défendre les travailleurs, mais d'adopter au mieux du mieux qu'ils peuvent le droit du travail dans le cadre de l'évolution d'une économie néolibérale. Et que pour l'instant, la CFDT a toujours été un peu le pilier de toutes les destructions sociales, et que dans le temps, cela ne peut que empirer. Donc, on va vers la réforme des retraites, vers la réforme de l'assurance chômage, et que on constate que ce syndicat jaune est finalement c'est une succursale du MEDEF. D'ailleurs, la définition du syndicalisme se traduit par la défense des travailleurs, et que à long terme, on peut tout de même affirmer que le syndicat va se dissoudre de lui-même parce qu'il défend les intérêts du patronat et que dans le cadre du Code du travail, un syndicat qui a les mêmes objectifs que celui d'un syndicat patronal n'a pas de raison d'être et que cela suivrait la logique à laquelle il est entièrement dédié. Et dans le cadre de la mise en place du Conseil social et économique dans les entreprises, ben, on constate que ça s'inspire du fascisme, puisque l'idée est que les travailleurs auraient les mêmes intérêts que le patronat et les actionnaires, et que le néolibéralisme a toujours été considéré comme une certaine forme de néocorporatisme. Et dans ce cadre-là, on peut y voir une certaine forme de néo-fascisme. Et que est-ce que les ordonnances Macron, qui étaient censées libérer les énergies, d'ailleurs quelles énergies, on se pose toujours la question puisqu'elles n'ont pas été vraiment définies, et que les ordonnances Macron ont permis une meilleure exploitation des travailleurs, et que elles avaient pour objectif de faire baisser le taux de chômage, et que si effectivement le taux de chômage au sens du BIT et d'après les chiffres de l'INSEE, il a tendance à baisser, il faut savoir que les chiffres de Pôle emploi, bah, la catégorie A, elle a tendance à légèrement baisser, alors que l'ensemble des catégories ABC, elle se stabilise. et qu'on constate que les emplois créés, finalement, c'est des mini-jobs en CDD à temps partiel et que c'est des contrats courts, et que, in fine, les emplois créés, ce sont, ce sont des mini-jobs. Ensuite, on va revenir sur la question de l'affaire Bardella, parce que, comme vous le savez, Jordan Bardella, il a eu un emploi fictif pendant qu'il était assistant parlementaire au sein du groupe du Front National, et que ce dernier faisait des études et en même temps il était assistant parlementaire, et qu'il avait un emploi fictif, et qu'ont fait les journalistes pour finalement casser une bonne fois pour toutes Jordan Bardella par rapport au scandale dans lequel il était, finalement ils n'ont rien fait. Alors que quand on regarde la débâcle de l'affaire Fillon, il a suffi d'un simple article dans le Canard enchaîné pour que cela se termine comme une traînée de poudre au sein des différents médias. Et la conséquence, c'est que l'affaire Fillon, ça a empêché ce dernier d'être élu président de la République entre 2017 et 2022, et que cela permet d'affirmer que finalement la presse, elle reste un contre-pouvoir formidable lorsqu'elle est utilisée à bon escient, et que elle peut faire tomber des personnalités politique et les mettre dans une tourmente médiatique de grande ampleur. Pourtant, les journalistes, on constate qu'ils ont été vachement bien conciliants avec Jordan Bardella. Et pourquoi n'ont-ils pas réalisé le même travail que pour François Fillon? Il s'agit d'une question centrale qui mériterait une certaine analyse. Les seuls articles qui sont sortis sur l'affaire Bardella ont été faits après les élections. Alors on peut se poser la question, quel est l'intérêt de sortir ce genre d'article antérieur à un suffrage universel? Cela ne sert strictement à rien puisque le mal est fait. La majorité des électeurs ont voté en grande partie pour une personne qui a vécu grâce à un emploi fictif sur le dos du contribuable européen. Et que ce silence peut aussi poser de sérieuses questions, parce que laisser le Rassemblement national augmenter, on sait que celui-ci met en danger les journalistes et la liberté de la presse, et que dans les pays où l'extrême droite ou la droite nationaliste est au pouvoir, ils font tout pour noyauter la presse. Déjà que la presse se dégrade de plus en plus en France, on peut se poser des questions sur l'objectif final de ces journalistes de façon générale. Est-ce parce que le fait que le Front National fait entre 20 et 25% des suffrages que les journalistes ont peur, ou au contraire l'intérêt des journalistes et celui d'une presse libre doit normalement se battre contre le Front National? Et que dans est-ce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, l'une des grandes questions, c'était faut-il inviter l'extrême droite? Maintenant, on a l'impression que le débat devient le suivant. Faut-il critiquer l'extrême droite? On peut se poser la question de l'intérêt des journalistes de perdre l'ensemble de leurs droits pour une presse totalement dépendante et aux ordres du pouvoir avec la mise en place de pratiques liberticides. Le pire, c'est que les électeurs qui ont voté pour un Fillon bis, que se passera-t-il sur les affaires du Rassemblement national? Le Rassemblement national, il va rembourser la somme demandée par le Parlement européen avec l'argent du Parlement européen. Donc les électeurs du Rassemblement national ne sont pas forcément tous idiots, hein.

et Marine Le Pen a toujours été le garde-fou du capitalisme. Et parce qu'elle est le garde-fou du capitalisme, les médias des grands milliardaires, ils voient d'une certaine manière, ils voient une certaine manière dans Marine Le Pen une façon de perdurer le capitalisme, tout en mettant une figure qui se réclame anti-système. Et que on le sait par le passé, les grandes entreprises ont toujours financé l'extrême droite. Donc on l'a vu sous l'Italie de Mussolini, sous l'Espagne de Franco, ou encore dans l'Allemagne nazie. C'est que sous couvert d'être anti-système, les grandes entreprises, elles n'hésitent pas à donner du cash, soit de manière intermédiaire, en écrivant énormément d'articles dans la presse favorable, ou encore en mettant en avant de jolies photographies pour montrer que finalement, le Front National, ou plutôt Rassemblement National, il a changé. Alors que dans les faits, le Rassemblement National, il n'a absolument pas changé. Et que ce qu'il faut savoir, c'est que ce Rassemblement National, il est dans une logique non plus de dédiabolisation lambda, mais plutôt dans une logique de dédiabolisation hardcore, parce que le Rassemblement National pourrait prendre la place à Emmanuel Macron entre 2022 et 2027. Et on le sait, c'est que l'extrême droite au niveau international, c'est pas une extrême droite qui est proche des travailleurs, mais plutôt une extrême droite qui s'inscrit dans une logique ultra-libérale. Parce que quand on voit Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait, c'est de baisser l'impôt sur les sociétés, baisser l'impôt sur les revenus. Et au Brésil, que fait Bolsonaro ? Tout simplement, il pratique une politique ultra-libérale, et que aujourd'hui, le néo-fascisme, il est devenu ultra-libéral, et que il faut vraiment faire attention, parce que quand on parle d'ultra-libéralisme, aujourd'hui, il faut parler de néo-fascisme. C'est que ce sont des gens qui, sur le plan économique, sont très proches des libertariens. À savoir que le libertarianisme, il a tout de même été théorisé par Lysander Spooner, et que celui-ci, il se base sur une société contractuelle, et que une société contractuelle, c'est une société où le contrat devient la norme. Et que finalement, il n'y a plus de droits auxiliaires, c'est-à-dire il n'y a plus de droits du travail, il n'y a plus les différentes aides sociales, et que ce système aussi, il a toujours été proche de l'extrême droite, et que souvent, les gens qui sont libertariens, y a une certaine frange à la liberté d'expression à tout prix, y compris dans le cadre du négationnisme, parce qu'il y a beaucoup de libertariens qui sont négationnistes, et on le voit, le lien entre l'extrême droite et l'extrême droite libérale, elle est très proche. Et on se souvient également, c'est que l'extrême droite en soi, elle est prête à prendre le pouvoir, mais si elle prend le pouvoir, la classe ouvrière qui vote pour cette dernière, finalement, elle se fera totalement avoir. Donc, ce qu'il nous faut aussi, c'est un front antifasciste beaucoup plus nombreux qu'on l'est, et qui passe également par une lutte contre le capitalisme, parce que le fascisme est un capitalisme, tout comme le néofascisme ou le néolibéralisme est un capitalisme, et que historiquement, l'antifascisme est né de l'alliance entre le SPD et le KPD pour faire barrage au nazisme, et que ce barrage, il a donné lieu au drapeau, il a donné lieu au drapeau antifasciste. Et que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut absolument ne pas laisser un boulevard à l'extrême droite, parce que si on continue la politique de dualisme qui est faite entre la droite lambda ou l'extrême droite, on va aller progressivement vers le fascisme. Et qu'on ne peut pas compter sur La République en marche pour combattre sérieusement le fascisme, parce que comme nous l'avons vu un peu plus tôt dans l'émission, les partis libéraux souvent ont un certain axe conservateur et que ils s'inscrivent dans une logique de grappillement des voix de l'extrême droite et que il faut aussi, sur la question des médias, aller vers des médias alternatifs, mais avec des contenus vraiment objectifs et qui sont prêts à donner une véritable information, non parfois subjective, mais c'est à travers ces médias que l'on va réussir à combattre l'extrême droite. Et du coup, il faut faire attention aussi aux médias que nous diffusons sur la toile. Parce que en ce qui nous concerne, nous voyons beaucoup de médias confusionnistes ou complotistes tenus par la complosphère ou la fachosphère, et que ces derniers, ils vont pas dans le sens vraiment des travailleurs ni de la lutte antifasciste, et que reprendre le contrôle par les médias permet surtout d'avoir des outils pragmatiques au service du prolétariat et au service de la classe ouvrière, et que ces outils ils vont dans le sens ils vont dans un certain sens ils vont dans le sens contraire de la doxa dominante. Donc, pour terminer cet épisode, on va s'écouter la chanson La Mitraillette de Jacques Marchais. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao! Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions par la fenêtre !» Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain, on la ferait claquer dans nos mains, la mitraillette. Faut dire que les syndicats bordel nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On on était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette, curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas longtemps vie belle. Viendra la fête, y aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle. On se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête, Macno Villa et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie. La mitraillette, on en filera même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier à coups de mitraillettes.